Le Nouveau Monde, la nuit. Ratis nous avait donné rendez-vous entre Eole et le laboratoire dans une grande clairière éclairée par une lune pleine. Je continue à penser que c'est un piège, moi. C'est vrai que moi je suis pas trop rassurée. Nous verrons bien ce que Ratis a à nous dire. Vous avez intérêt à avoir raison, jeune Baifouiche. Oui, je sais. Mais j'ai raison, j'en suis sûr. Nous sortions de la forêt, les arbres s'arrêtant presque net devant un long tapis d'herbe humide. Et de l'autre côté de la clairière, la forêt reprenait ses droits. C'est comme si un géant avait ôté tous les arbres ici. Nous allons avancer à découvert. J'ai horreur de me sentir nu comme ça. Et personne ne rajoute rien, compris? Oh, ça me viendrait pas, l'idée. On n'y pensait même pas. Moi, je préfère les écureuils bien faites, alors. Nous avons avancé quelques longues minutes sous les étoiles. Le ciel nous parut alors immense, comme un gigantesque dôme. Et au milieu de la clairière, une ombre noire se dressa de tout son long sur ses pattes arrière, entourée de trois autres masses. Ratis. Vous arrivez à l'heure. C'est bien. Je n'aime pas les retardataires. Il était accompagné de son petit rat nerveux et de deux autres gros rats, des mastodontes presque aussi gros que Ratis. J'ai faim, Ratis. Là, d'un coup comme ça, j'ai faim. Hé, le petit rat, on a dit que c'était un entretien, pas un dîner. Alors arrête de nous regarder en salivant. Il bafouille. Manfred, raclure de rat, ravale ta salive pour ce soir. Oui, Ratis, je n'ai qu'une parole, Baifouich. Ratis, cela fait longtemps. Ce vieux César. Alors, vieux fou d'écureuil, toujours à rêver d'une grande communauté dans la forêt. Ce rêve s'est réalisé depuis ton départ, Ratis. Toi et les tiens évoquaient trop les hommes comme des dieux pour que les miens s'imaginent créer une cité. Maintenant, même toi, tu as peur d'eux. Je n'ai pas peur. César ne recula même pas lorsque Ratis fit deux pas vers lui, l'air menaçant. Moi, j'ai toujours pas confiance, Quick. Booz scrutait l'horizon, puis le ciel à la recherche d'un quelconque ennemi. Mais il n'y avait rien d'autre que les rats présents dans la clairière, quatre rats, dont deux mastodontes qui nous fixaient d'un œil malicieux. Nous avons été étonnés de ton message, Ratis. Tu as appris à écrire tout seul? Je m'emmerdais dans le laboratoire. Je me suis vite mis à déchiffrer leurs consignes de sécurité placardées au mur. Qu'est-ce que tu veux, Ratis? Éole? Le grand trou? La porte vers Wichiti qui se trouve à Éole? Pour prouver au monde ton existence, ils ont tous tourné la tête vers moi. Ratis me souriait. Je me suis avancé parmi les hautes herbes. L'œil unique de Ratis se plissa. Squeak, je t'ai une nouvelle fois à ma portée. Quel dommage que cet entretien ne puisse se solder par un dîner très intime. Essaye pas de bouffer mon copain. Ne fais rien que tu puisses regretter, Ratis. Je soutenais l'œil de Ratis. Il était si rouge, si lumineux. Quand je fermais les yeux, je le voyais encore qui me scrutait. L'œil de Ratis. Je repris mon souffle. Alors, que veux-tu? Mettre au point notre dernière rencontre. Je veux Éole, je veux Wichiti, je veux le tunnel amenant à votre monde, Squeak. Je veux ce qui m'appartient de droit. Votre technologie. Mais tu sais que tu ne l'auras pas aussi facilement que tu le dis. Ratis, laisse-moi au moins manger. Tais-toi, Manfred. Je sais, c'est pour ça que je viens vous proposer une sorte d'accord. Dans 2 semaines, jour pour jour, ici, les forces d'Éole et les miennes se rencontreront et le sort désignera ceux qui ont le droit de dominer ceux qui doivent être dominés. Nous resterons dans la sélection naturelle. Vous disposez d'armes? Il n'y aura dès lors plus aucune sélection naturelle. Oui. Il est vrai que nous disposons d'armes. Mais c'est parce que nous évoluons. Ce n'est pas évoluer que d'avoir des armes, Ratis. César, toujours aussi naïf. Regarde les hommes, regarde les Baifouich. Des engins les transportent, ils envoient des images d'un endroit à un autre, ils captent la vie elle-même dans des petites boîtes. Ils ne se contentent plus simplement de survivre comme toi et moi, César. Eux, ils vivent. Ils vivent! Pour moi, ce n'est pas une régression. Oui, Ratis, ils vivent. Mais leur seul danger vient d'eux-mêmes, et je le trouve bien plus important que n'importe lequel. Nous survivons, mais sans devoir échapper à un ennemi qui s'avère être nous-mêmes. Ah, le vieux sage a parlé. Cela ne change rien, César. Je vous laisse 2 semaines, pas un jour de plus. Préparez-vous à la plus terrible bataille jamais vue dans cette forêt. Même les hommes n'auront jamais vu telle furie. La violence! Tu veux toujours agir par la violence. À partir d'un certain moment, c'est le seul moyen que nous ayons pour survivre. L'œil de Ratis se plissa à nouveau. Il y avait de la tristesse dans son regard, profonde, inquiétante car elle menait à la folie. Une folie furieuse, dévastatrice. Dans 2 semaines alors. J'espère que tu seras là, Squeak. Nous avons quelques petites choses à régler. 2 semaines. Dans 2 semaines, Ratis nous promettait du sang. Bye, Fouiche.